après un instant pour l'ivresse du vide. En marchant sur un fil sans me tenir la main, les idées qui défilent n'auront jamais de fin. Entre deux éléments au périlleux mystère, voler près du soleil pour échapper à l'enfer. Le chemin du frisson croise celui du suicide. C'est un fruit que tu presses qui a le goût de l'acide. Et je caresse l'ivresse du vide, l'ivresse du vide. Et je caresse. Changez-moi en fleurs.